vous écoutez le carnet de notes très enrhumé de Luc Saint-Elly. Le site est à http://blog.saintelly.com. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio, soit directement depuis la page web, soit en utilisant un logiciel qui reconnaît le format podcast. Chaque note audio est accompagnée d'une note écrite éventuellement minimaliste, mais qui contient au moins la liste des adresses web en lien avec ce que je raconte. Vous pouvez également poser des questions, donner des réponses, hurler, pleurer, chanter, écrire des poèmes, etc. On vient d'entendre Norman Lacue, ce sont des Californiens de San Francisco. Entre nous, s'ils sont normaux comme moi, on est mal. La chanson s'appelle As You're Told. C'est l'heure du message à caractère informatif. Tu es jeune, seul, tu as une poitrine opulente et une voix à faire tomber, tu as plein de trucs à dire sur la photo, la musique ou n'importe quoi d'ailleurs. N'hésite pas, appelle-moi la journée au 08 70 73 20 28 et raconte tout ça à mon répondeur d'une voix suave et lascive. Ces trucs-là, ça marche pas à tous les coups. La preuve, le premier qui a appelé, c'est un vieux barbu niçois. Ouais, côté soif et lascive, c'est pas tip-top. Bon, allez, on y va quand même. Deep beneath you must lie a reason. Besides the stories your faith has sold you, continue you to believe with them. Deep beneath you must lie a reason. Besides the stories your faith has sold you. Bonjour Luc Saint-Elly, je vous appelle avec une voix qui n'est peut-être pas forcément suave puisque je suis de la région de Nice. Voilà, je suis un fanatique du Macintosh depuis très longtemps. J'anime un Mac Club dans le principe des Apple User Group qui a été fondé en 1986. Donc nous sommes une bande de jeunes, plutôt pas très jeunes, utilisateurs de Macintosh. Et là, dans les activités que je fais le vendredi soir, je vais me présenter à mes collègues et membres du club un petit peu le fonctionnement des blogs. Donc, j'ai beaucoup apprécié votre blog. Je trouve que sa construction est très bien faite. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser là-dessus. Comment avez-vous procédé? J'ai l'impression que vous maîtrisez parfaitement le principe du HTML. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé un outil particulier ou si vous avez tout construit de A à Z. Alors, la réponse est relativement simple. Aujourd'hui, pour faire un weblog, connaître le HTML, c'est pas franchement indispensable, ou plus exactement, si. Ça l'est complètement, mais pour le fignoler ensuite. Le faire de A à Z soi-même, sauf à vraiment être passionné par ça, ça a à peu près aucun intérêt, tout simplement parce qu'il existe des outils très bien fichus et qui vous fournissent en gros un weblog en boîte. Il y a deux grandes familles, il y a ceux qui sont vendus avec un hébergement, alors soit payant comme Typepad, soit gratuit avec de la pub, je crois que Blogspirit est dans ce cas-là. Enfin, faites une recherche sur Google, j'essaierai de mettre quelques adresses sur la note écrite dans la liste de liens. Et puis l'autre approche, ça consiste à prendre un hébergement quelque part, chez un hébergeur, à télécharger un script de weblog tout près, à l'installer et ensuite à l'adapter à ses besoins. C'est ce que j'ai fait. Mon weblog est hébergé chez OVH, qui est une boîte plutôt bien, qui a des prestations plutôt bien, à un prix assez correct. Et le logiciel lui-même que j'utilise s'appelle WordPress. C'est un logiciel extrêmement bien fait, un peu compliqué et qui s'adresse quand même prioritairement à ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Par exemple, mon weblog, il est assez customisé, disons. Il est assez loin du WordPress d'origine. Il y a d'autres équipes qui fabriquent des logiciels comme ça. WordPress, c'est des Américains. En France, il y a Dotclear qui fait un truc plutôt bien. Là aussi, l'adresse, vous la trouverez sur la liste de liens de la partie écrite. Donc, en gros, pour faire un weblog, il faut pas partir de zéro. Ça serait complètement absurde. Ce qu'il vous faut, c'est soit prendre un truc tout prêt, hébergement compris, soit prendre un hébergement qui comprend deux choses indispensables. C'est un PHP, qui est le langage de script que tout le monde utilise, et deux, une base de données. Généralement, c'est du MySQL. Si vous avez un hébergement avec un langage de script, PHP et MySQL, ça fonctionne très bien. Vous n'êtes même pas obligé de le payer, cet hébergement free, à un hébergement qui correspond à ses caractéristiques, et même mieux, free maintenant propose pré-installé pour ses hébergements gratuits WordPress et je crois Dotclear. Donc si vous voulez vraiment un weblog, vous pouvez prendre un compte chez free, ça vous coûte rien. Et demandez à ce qu'il vous... ça se fait en ligne, hein, sur une page. Demandez à ce qu'il vous préinstalle soit WordPress, soit Dotclear. Alors ensuite, effectivement, un peu de connaissance du HTML ne saurait nuire parce que vous voudrez forcément bricoler tel truc, modifier telle chose, etc. Plus que la connaissance de HTML, d'ailleurs, c'est plutôt la connaissance de PHP qui est aujourd'hui très utile pour ce genre de choses. Mais donc, ne partez pas de zéro, ça serait complètement absurde. D'autre part, je suis un petit peu aussi un fanatique, bien que ce n'est pas photographe, un fanatique de la photographie. Dans les années 70-80, j'utilisais les appareils Nikon, le Nikkormat en tout premier, puis après le F2, tout ça. Et puis j'ai fait un saut d'une vingtaine d'années sans travailler avec de la photo pendant que j'étais dans ce temps-là enseignant en art graphique. Et là, je me suis remis dans la numérique récemment, avec un premier 995 de Nikon, un Coolpix. Et puis là, je viens d'acheter le D70 et j'apprécie beaucoup votre note sur le D70. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est à la fois un appareil qui est fabuleusement bien conçu, quoi, et avec quelques surprises au niveau de la prise en main. Comme je n'avais pas fait du tout le passage par les appareils, disons, argentiques à... comme à utilisation et fonction déjà électronique, je suis un petit peu perdu au début pour fonctionner. Mais enfin, ça marche. Hein. J'ai quand même une bonne connaissance du traitement de l'image, puisque j'ai enseigné la photogravure, Photoshop, donc je m'y retrouve un peu, mais je suis quand même un petit peu perdu au début. Voilà, ce qui est aussi assez intéressant dans votre présentation, ce sont ces notes audio que j'écoute, que je fais comme vous nous avez conseillé là, de les mettre sur un petit lecteur portable. Et j'aimerais savoir comment vous procédez pour faire l'enregistrement, si vous avez un matériel audio très particulier. Et justement, c'est un matériel audio de prise de son qui m'intéresserait parce que, ne voulant pas du tout utiliser comme moyen de création, d'expression, la vidéo, qui me semble un petit peu complexe et un peu limitée en qualité, j'aimerais retrouver quelque chose pour pouvoir refaire des diaporamas tels qu'on avait la qualité quand on travaillait avec un bon magnétophone et une bonne diapo, mais sur numérique. Donc j'utilise souvent des logiciels comme eView Media Pro ou Keynote, mais enfin dans sa version nouvelle peut-être il sera encore plus puissant. Et j'aimerais aussi pouvoir faire des prises de son qui soient la partie sonore des images. Donc si vous avez une petite connaissance, une petite information sur le matériel de prise de son, bon, abordable pour un amateur, hein, qui permettrait de faire des petits fichiers son en capture extérieure et pouvoir après les utiliser dans un diaporama, ça m'intéresserait. Voilà. Alors, pour ce qui est de la partie son, je suis assez loin d'être un spécialiste. Vous avez qu'à écouter mes premières notes pour vous en apercevoir. Ça s'améliore un petit peu, mais enfin, je suis encore loin de ce que j'aimerais faire. C'est un peu compliqué, c'est passionnant, mais c'est très compliqué en fait. Le son, ça doit être un métier, hein, au fond. Alors, j'avais commencé par utiliser des trucs qui me restaient d'une époque où j'étais le plus grand guitariste de mon appartement. Et puis en fait, ça marchait pas, c'était compliqué, ça se passait pas bien. Là, actuellement, j'utilise une interface audio de DigiDesign qui s'appelle M-Box, que j'ai acheté d'occasion. Et cette interface audio, elle peut s'utiliser avec autre chose, mais elle est fournie avec un logiciel qui est vraiment très bien, qui s'appelle Pro Tools. Donc j'enregistre et je monte, j'édite, c'est-à-dire couper, etc. Couper, modifier tel ou tel truc, supprimer un E et des conneries dans ce genre-là, avec Pro Tools. Le montage, ça ressemble un peu à la PAO. C'est pas très loin de la PAO, en fait. Ce que vous entendez, c'est enregistré par petits bouts. Je n'enregistre pas de A à Z en une seule fois, parce que pour ça, il faudrait que je l'écrive à l'avance, que tout soit vraiment bien plus calé que ça ne l'est. Donc j'enregistre par petits bouts dans Pro Tools. En gros, le principe est que il vous faut, pour faire du son, un micro, une interface audio et un logiciel. Alors pour ce qui est du logiciel, il y en a plein. Sur Mac, outre Pro Tools, il y a deux softs très bien. Un shareware qui s'appelle Amadeus, qui est une espèce de trousse à outils que j'utilise d'ailleurs. Pro Tools, c'est pas très à l'aise avec le MP3. Or, les musiques que j'utilise sont en MP3 pour faire mon montage. Je les convertis en AIF avec Amadeus. C'est un truc pas cher. Je l'ai payé, je crois, 25€, un truc comme ça. Et puis, il y a un logiciel gratuit, lui, qui permet de faire de l'enregistrement et du montage. Dans une certaine mesure, Audacity, c'est une copie open source de Pro Tools. Ça, c'est pour la partie logicielle. Si on remonte la chaîne, il vous faut une interface audio, soit parce que celle qui est intégrée à votre machine est d'une qualité qui n'est pas suffisante, soit elle n'en a pas du tout. Moi, par exemple, j'enregistre sur un iBook qui n'a pas d'entrée son. Donc là, ça réglait la question. Mais très souvent, les entrées son, lorsqu'il y en a, sur les machines, sont assez moyennes. Hein, donc une interface audio, c'est quand même vraiment, vraiment bien. En gros, ça vaut entre 100 et 450€ d'interface d'entrée de gamme. Mon Mimebox, je l'ai payé un peu moins de 300€ d'occasion. Et puis, si on remonte encore un petit peu, il vous faut un micro. Là, il y a deux familles. Il y a les micros dits dynamiques. C'est les micros avec une poignée et une boule au bout, hein, ce que vous voyez à la télé. Et puis les micros statiques. Alors les micros dynamiques... Avis personnel, mais je suis pas du tout un spécialiste du son, mais pour le peu d'essais que j'ai fait, ça va pas très bien à ce genre d'application. Alors j'en ai un, j'avais fait mes premières notes avec, je l'ai remis de côté vite fait parce que ça convient pas du tout. C'est un micro de chez Behringer qui s'appelle XM8500, qui est un truc vraiment pas cher mais qui est pas terrible pour ce genre d'application. Et les micros statiques, la deuxième famille, eux sont des micros qu'on peut pas sortir dehors parce qu'ils nécessitent une alimentation. Mais il donne des résultats vraiment beaucoup plus sympas. Donc là, j'utilise un micro de la maison M-Audio. Dans les statiques pas trop chères, il y a également les Studio Project, qui sont d'un prix abordable. Voilà. Le fait de faire du son, c'est la bonne association des trois. Donc l'interface audio, elle sert à préamplifier le micro, qui lui a un niveau d'entrée qui est généralement trop faible. Donc la qualité de l'interface audio est relativement importante, autrement ça souffle. C'est ce qui m'est arrivé pour mes premières notes, où je passais des nuits à essayer d'obtenir un son qui au final était quand même de merde, mais pour qu'il soit audible simplement. Maintenant, avec la M-Box, ça se passe beaucoup mieux et surtout beaucoup plus vite. Bon, ceci étant dit, il faudrait demander l'avis d'autres gens, parce que je suis vraiment, mais vraiment loin d'être un spécialiste du son. Ceci étant dit, le son, c'est très passionnant, et je suis en train de découvrir que c'est assez proche de la photo. Il y a des notions qui sont vraiment très semblables, comme la capture, comme pour l'image, le traitement ensuite, exactement comme on va éventuellement reprendre une photo sous Photoshop. Ben là, on reprend le fichier son avec le soft qu'on utilise. Il y a vraiment plein de similitudes. C'est une activité assez passionnante, le son. Au début d'ailleurs, je voulais faire de la vidéo, puis la vidéo c'est compliqué à mettre en œuvre, ça fait des gros fichiers, enfin ça c'était pas très bien adapté à ce que je voulais faire, mais ça m'aurait pas déplu, c'est pas exclu que dans le futur je le fasse. Ceci étant dit, là je suis en train de tomber amoureux du son. Finlande est un pays froid et lointain, où l'on peut voir entre deux volutes de vapeur de longues et fines jeunes femmes blondes se retourner de façon lascive dans des saunas. Imaginez la scène. Vous poussez la porte, vous plongez dans la vapeur, vous vous perdez dans des volutes suaves, et juste avant de laisser retomber, épuisée de bonheur, sa tête sur votre épaule, elle vous susurre une phrase en finlandais. Bien sûr, vous la comprenez pas. Mais vu la stature du gaillard dont la carrure se dessine dans l'encadrement de la porte, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études de langue pour comprendre qu'il doit être vaguement de question de mari dans cette phrase. Alors le gars s'avance et sur son t-shirt, troué le t-shirt, il y a écrit « Dead Gun ». Oh. Aïe, ça commence à sentir le coup fourré, cette affaire, vous levez les yeux en essayant de nouer une serviette rapidos autour de votre taille, et le gars en question, bah, il a une coupe de cheveux... Un truc affreux à faire avorter une portée de rat, un peu genre Sex Pistol. Il se penche vers vous, pendant que vous claquez des dents bien en cadence, et il vous murmure « I'm coming home ». Je rentre à la maison. Enfin, sauf qu'en finlandais, « je rentre à la maison », ça se dit comme ça. I'm stuck in the- On va parler de DxO. J'en ai déjà parlé deux ou trois fois. DxO, c'est une boîte française qui fait dans les mathématiques appliquées. Ils font pas vraiment dans l'image des gens de DxO, ce sont des matheux purs et durs qui se sont dit que leur formule alambiquée pouvait trouver des débouchés dans l'image. Nuance. Le point de départ, c'est qu'un objectif est toujours construit en fonction d'un schéma idéal, et que ce schéma est dévoyé au final pour des raisons de coûts, de contraintes diverses, etc. Résultat des courses, à l'arrivée, l'objectif ne donne pas l'image qu'il était censé donner. Les gens de DxO modélisent mathématiquement l'objectif idéal, ils modélisent l'endroit où chaque trait lumineux aurait dû atteindre le capteur, et la quantité de lumière qui aurait dû arriver. Tout ça, c'est dans un modèle mathématique. Ensuite, ils mesurent le résultat concret donné par l'objectif réel, par la construction réelle de cet objectif idéal, et ils écrivent des logiciels qui modifient la photo obtenue pour qu'elle se rapproche le plus possible de la photo théorique idéale qu'aurait dû donner l'objectif théorique idéal. Bon, tout n'est pas améliorable, hein. Il y a un soft, par exemple, il peut pas inventer du détail là où il n'y en a pas. Mais pour des choses comme le vignettage, la distorsion et dans une certaine mesure la netteté, c'est très jouable. Alors, c'est très jouable en pratique. J'ai essayé 2-3 fois, il y a des versions de démo de leur logiciel sur leur site. Je peux pas dire que j'ai été collé au mur en voyant le résultat, mais enfin ça marche un peu. Et en tous les cas, c'est séduisant techniquement leur démarche. Et donc jusqu'à maintenant, DxO se contentait, si on peut dire, de rattraper après coup les défauts d'objectifs, plus exactement de couple boîtier-objectif. Et là, il présente à la fin du mois un truc qui va un cran plus loin, c'était d'ailleurs là où il voulait en arriver, et qui consiste à dire la chose suivante à un fabricant d'objectifs. Tu dessines un objectif, tu le dessines en fonction déjà de contraintes diverses, et puis ensuite, quand tu vas le faire fabriquer, il va y avoir d'autres contraintes qui font qu'à l'arrivée, tu obtiens une horreur très éloignée du projet de départ. Et nous, après, on rame comme des malades pour essayer de rattraper le coup, si on fonctionnait à l'envers. C'est-à-dire que tu conçois un objectif sans te soucier des contraintes. Donc cet objectif, sans se soucier des contraintes, il va avoir des défauts. Ces défauts, on les inclut dans la conception de l'objectif. Et nous, DxO, de notre côté, on les modélise. Donc, quand ton objectif va fournir une image, avant que cette image soit totalement traitée et fournie à l'utilisateur, qui est derrière le petit appareil, et bien nous, au vol, on va la modifier, cette image. Et donc, l'image, elle va être faite à moitié par l'objectif et à moitié par le soft. Et ça, il le présente le mois prochain. C'est un projet qui s'appelle DxO Aperture et qui est destiné aux téléphones photo. Le problème concrètement des téléphones photo, c'est qu'ils ont des blocs photo microscopiques avec des objectifs microscopiques et notamment des objectifs qui ont des ouvertures absolument catastrophiques, ce qui fait que même si on met de côté la qualité ou l'absence de qualité du résultat, un téléphone photo, ça ne peut pas faire des photos en intérieur. C'est l'horreur absolue. Les objectifs sont beaucoup trop fermés. Et donc les gens de DxO travaillent avec des fabricants d'optique pour ces téléphones en disant « Ton optique, calcule-la avec 2 diaphs de plus. » Bien sûr, vu la taille du machin, les contraintes de coût, de bidule et de tout ce qu'on veut, le résultat va être épouvantable. Mais c'est pas grave. On travaille avec toi au moment de la définition de l'objectif, on le modélise cet objectif, concrètement on modélise où les rayons de lumière doivent arriver, et puis ensuite ton objectif va fournir une image qui diverge beaucoup de ce truc idéal, et nous, à la volée, on la remet dans l'ordre. Je trouve cette approche à la fois techniquement intéressante, et puis surtout, elle est sur un plan plus, je ne sais pas, psychologique, social, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, elle est assez fascinante, parce qu'elle s'inscrit bien dans l'espèce de volonté de la photo numérique de tendre vers une image parfaite. Ce qui d'ailleurs est assez rigolo parce que la photo numérique donne des résultats qui sont très loin de la perfection, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'ambition de la photo numérique, c'est pas l'émotion, c'est pas l'esthétique, c'est pas, je ne sais pas, tout ce qui a fait l'histoire des arts plastiques. L'ambition de la photo numérique, c'est l'image parfaite. Alors ça va depuis ce type de démarche qui consiste à dire en gros on va rattraper, on va compenser en temps littéralement réel les défauts des objectifs, en passant par les réducteurs de bruit et autres trucs, plus toutes les retouches possibles et imaginables. Et ça, je crois que c'est intéressant, c'est sans doute le symptôme que la photo a perdu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je trouve que c'est pas bien, mais bon, après tout, on peut toujours en discuter. Elle a perdu cette espèce de rôle de mise en poésie de la vie. Si vous regardez les grandes photos qui ont marqué le XXe siècle, il y en a très peu de parfaites. Prenez même dans les trucs QQ classiques, prenez une photo de Doisneau, elle est rarement piquée, l'exposition est sympa mais sans plus. Les photos historiques, la première qui me vient à l'esprit, c'est celle du soldat de la guerre d'Espagne, de Capa, qui est carrément flou, on voit à peine ce qu'il y a dessus. Il y a très très peu de photos qui ont marqué notre histoire et qui sont techniquement parfaites. Mais cette première époque de la photo s'inscrivait dans une atmosphère où, au fond, le rôle de la photo, c'était de nous renvoyer une image poétique de nous. Tout le monde a déjà vu un couple se palucher sur une place de marché, et Doisneau nous renvoie avec les amoureux de l'hôtel de ville cette vision qui est somme toute d'une banalité totale, mais plus poétique, plus tout ce qu'on veut, etc., plus émouvante. Et aujourd'hui, je crois que la charge affective, tout ce qui est chargé d'émotion, c'est plus la photo qui la trimballe, ça serait plutôt à chercher du côté de la vidéo ou du cinéma. Et donc la photo, du coup, elle est devenue quelque chose de purement descriptif, elle incite pas à l'émotion, elle incite à l'action. Les photos qu'on voit, c'est des photos de pub principalement, qui sont faites pour inciter à l'action et pas provoquer une émotion. Et je crois que on peut considérer que c'est de la branlette, mais tous ces systèmes qui visent à courir vers une image parfaite sont assez symptomatiques de ce changement de rôle de la photographie, changement de rôle que personnellement je regrette un petit peu, à vrai dire. Une petite news rigolote concernant le mouvement open source. Enfin, lorsque je dis rigolote, en fait, c'est une news assez dramatique qui est bien symptomatique de l'ennui qui règne dans les pays nordiques et toutes les dérives qui vont avec. Ils boivent, ils fument, etc. Je pense qu'il serait peut-être bien qu'on observe une petite seconde de silence, d'ailleurs. Bon, voilà. Alors donc, conséquence de cet état-là, les étudiants de Copenhague, qui doivent se faire chier velu, picolent. Eh oui, ils picolent. Et résultat des courses, ils viennent de sortir la première bière open source. Alors, n'essayez pas de régler votre baladeur, vous avez bien entendu. Une bière open source, elle s'appelle Vores Oy, alors je vous garantis pas la prononciation. Mon danois est un peu rouillé, en tout cas ça veut dire « notre bière ». Vous trouverez le lien avec tous les détails sur la note écrite qui accompagne ce fichier. Une bière open source. Allez, fais tourner Momo, allez, t'as déjà fumé la moitié, vas-y, allez, au revoir. Bon, on va se quitter avec... Non, plus d'émotion. On va se quitter, ouais. Avec Black Line. Black Line, c'est un groupe de Boston. C'est une ville sympa, Boston. Il y a pas mal de villes sympas aux États-Unis. Le problème, c'est les Américains. Mais autrement, Boston, c'est une ville bien. Donc, Black Line, c'est un groupe qui est de Boston. Le morceau s'appelle Run. C'est du rock hard rock, tout ce qu'il y a de classique. Ciao, à la prochaine fois. Tell me about the wind always roaming through the fruit again. It's leaving my mind away, lost with all the words to say. I can hear you through the fields, so long your cries could light the day. But broken hearts they slowly heal, the truth will finally find its way. But you cannot believe I've run out the fear tonight. Oh, I'm sorry, pain away. You make me the one to say this, yeah, love.